illustré. Tout de suite, histoire vivante. Merci d'être fidèle au poste. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is an historic agreement. Cette semaine, l'affaire des fonds en déshérence. Deuxième partie. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre. Votre situation géographique y est pour quelque chose. Votre courage pour plus encore. Crise, règlement et eau de boudin. Là, c'est une bataille idéologique. Une histoire qui ne passe pas. Nous savons que l'histoire n'est pas une science. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus, ils terminaient leur vie dans une misère noire. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité. À part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Vous devez profiter de cette fenêtre ouverte sur un monde qui crie à l'aide. Chapitre 8. Jugement. Avec aujourd'hui Marc Pernoud, historien, Daniel Mona, journaliste, Guillaume Chenevière, ancien directeur de la télévision suisse romande. Toute société humaine est pétrie de contradictions, d'espoir et de peur. La Suisse d'alors ne faisait pas exception. Les actes de courage et de solidarité y cohabitèrent avec l'égoïsme et les préjugés enracinés. Et de lourdes erreurs, pour le moins des erreurs de jugement, ont été aussi commises. Nous devons en prendre acte, car refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité et c'est aussi répéter les erreurs du passé. Accepter, en revanche, l'histoire telle qu'elle est, c'est préparer l'avenir. Il me semble, je dis ça un petit peu de mémoire, Marc Pernoud, que nous parlons off après un entretien, et puis c'était au moment d'un des nombreux désormais anniversaires de la fin du rapport de la commission Bergier, auquel vous êtes associé, et puis vous me disant « de toute façon, bon, c'est 11 000 pages, et puis il n'y a personne qui l'a lu, puis tout le monde veut le commenter, et puis voilà ». Et puis on devait faire quelque chose, un peu à ce moment-là, et puis on ne l'a pas fait. Alors, le temps est venu de la réparation, si j'ose dire, eh bien, on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au micro d'Histoire vivante pour évoquer avec vous, dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante consacré à l'affaire Maily, que vous avez eu la forte amabilité de regarder pour nous et pour lequel nous vous demanderons quelques commentaires, vous vous en doutez bien. On va voir avec vous aujourd'hui, si vous le voulez bien, beaucoup moins l'aspect strictement historico-scientifique, mais beaucoup plus l'aspect humain. On va rentrer à l'intérieur d'une chose dans laquelle, évidemment, nous n'avons pas été conviés, et pour cause. Mais vous étiez, si j'ose dire, dans le chaudron auprès des gens avec lesquels vous avez travaillé pendant une demi-décennie. Mais avant tout, peut-être un mot sur ce documentaire. On peut imaginer que ce documentaire sur l'affaire Maily, qui sera dimanche soir, sur RTS2, documentaire d'histoire vivante, a dû vous replonger dans cette période qui a été pour vous forcément une période de très grande intensité, à moins que cette histoire-là ne vous ait jamais véritablement quitté. Ce dont, d'ailleurs, j'aurais tendance un peu à me douter. Alors effectivement, l'affaire Maily, je l'ai apprise en direct. Bon, je peux d'ailleurs vous raconter, si vous voulez, un souvenir personnel, puisque en fait, j'avais travaillé à partir de 1981 sur l'édition des documents diplomatiques suisses sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. En 1991, après 2 ans de travail avec le professeur Bergier, nous avions publié un volume sur les années 1939-1940, le volume 13 de la série. Et en 1991, nous avions organisé une conférence de presse et nous avions dû constater qu'il n'y avait qu'un seul journaliste qui s'était intéressé à l'époque, à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et 5 ans plus tard, le développement de ce qu'on a appelé l'affaire des fonds en déshérence a fait que le professeur Bergier a été nommé président et qu'on a repris cette collaboration. Toutefois, quelques semaines auparavant, afin de répondre à des questions qui étaient embarrassantes parce que dans l'administration fédérale, personne ne savait plus exactement ce qui s'était passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais été chargé avec un autre historien, Peter Hoog, de rédiger un rapport sur les avoirs en déshérence et les accords de compensation avec les pays de l'Est après la guerre. Et le rapport a été publié en décembre 96 et le début janvier 97, l'ambassadeur Borer, chef de la task force, nous a invités pour un repas, Peter Hoog et moi, pour nous remercier d'avoir fait ce rapport. Et en fait, il nous a demandé si on allait travailler pour la commission. Et alors j'avais dit un peu naïvement, oui, je pense que ça serait intéressant d'y travailler. Je vais effectivement y travailler et on verra. Vous sembliez rester évasif volontairement? Parce que c'était encore incertain, j'avais pas encore signé le contrat que le professeur Berger m'avait proposé et je réfléchissais à savoir si j'allais m'engager dans cet exercice dont je savais que ça allait être compliqué. J'avais dit oui, mais ça sera intéressant. Il faudra voir ce qui reste dans les archives bancaires parce que probablement les banques, on le sait, ont détruit des documents. Et l'ambassadeur Borer m'avait répondu « Non, non, vous n'avez pas compris, les banquiers maintenant ont compris, vous pouvez être rassurés, il y a l'arrêté fédéral du 13 décembre 96, ils n'ont plus le droit de détruire des documents. » Alors bon, j'ai écouté respectueusement, et au bout d'un moment, le portable de l'ambassadeur a sonné, et a dit « Ah écoutez, il y a quelque chose d'urgent, je dois partir. » Alors il est parti, on n'a pas eu le privilège de boire le café avec lui, et après, je suis rentré au bureau et puis quelques heures après, j'ai appris le début de l'affaire Maïli. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai trouvé deux petits chariots directement à ma gauche. Ils étaient remplis de vieux registres. Je savais que c'était des documents qui ne devaient pas être détruits. Il fallait que la commission d'experts puisse les voir, puisque c'est ce genre de choses qu'elle recherchait. Daniel Mena, journaliste. Christophe Maïli est une personne qui était employée par une société de surveillance, société qui surveillait les locaux de l'Union de Banque Suisse pendant la nuit. Et il est tombé sur des documents près de la broyeuse, qui étaient des documents de la Deuxième Guerre mondiale, et qui étaient prêts à être détruits. Comme Christophe Maïli, c'est un personnage un peu particulier, mais qui a des fortes convictions morales, parce que il vient des églises évangéliques, etc. Donc, qui a des idéaux moraux. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup de formation, si vous voulez, qui a pas une énorme culture, mais qui a quand même des idées assez précises sur ce qui est juste de faire ou pas faire. Et à ce moment-là, il se dit, c'est pas normal, je sais que les banques n'ont pas le droit de détruire. Il y a un arrêté fédéral qui donc venait d'être promulgué en disant, les banques n'ont plus le droit de détruire aucun document historique, d'importance historique. Donc, il se saisit une partie de ces documents et il les emporte à la communauté juive de Zurich. Communauté qui est un peu embarrassée, il faut bien le dire, dans un premier temps. Et communauté qui les remet à la police. Ce qui fâche Maïli beaucoup, parce que lui voulait que la presse soit informée, hein, que l'UBS détruisait des documents historiques, etc. Là-dessus, la justice zurichoise contacte la banque, qui lui dit « Ah oui, c'est une erreur, oui, c'est rien, et tout ça. » Et le juge zurichois en conclut « Oui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, merci, ok, c'est bon. » Et là-dessus, la communauté juive, alors cette fois, se fâche, fait une conférence de presse et sort cette histoire. Donc Maïli devenait le personnage qui avait démontré que les banques détruisaient, en pleine crise des fonds juifs, des documents historiques qui pouvaient avoir une importance dans cette affaire. Depuis sept longues années, l'honneur perdu de la Suisse, film contrasté de Daniel Mona, qui revisitait l'histoire des attitudes de notre pays pendant la guerre, était voué aux gémonies. Cela suite à une plainte de la section genevoise de l'UDC et à une condamnation de l'émission. La décision de l'autorité de plainte en matière de radio-télévision incarnait vraiment la Suisse dans ce qu'elle peut avoir de plus mesquin, de plus frileux, de plus craintif face à toute forme. La liberté d'expression n'est pas pour bercer les gens, ça n'est pas dans le courant. Au contraire, il faut que la liberté d'expression s'applique à des opinions qui heurtent, voire qui choquent ou qui inquiètent. Et il est bon qu'un peuple, de temps en temps, s'inquiète de son histoire. On constate que lorsqu'on parle de l'histoire, lorsqu'on s'intéresse à notre mémoire collective, évidemment, les choses sont très passionnées, passionnantes, passionnelles. tous les points de vue sont respectables, mais cet arrêt, au fond, montre que lorsqu'on s'y intéresse, plusieurs regards sont nécessaires. Nous nous sommes parlé, Daniel Monod, la dernière fois en 2006. Ouais. Et quand nous nous sommes parlé un peu au téléphone, nous en avons nous-mêmes été, moi, extrêmement surpris, vous un petit peu moins, parce que 2006, ça correspondait à une date assez précise dans votre mémoire. 2006, c'est quoi ? Alors 2006, c'est la fin d'une affaire parallèle à l'affaire des fonds juifs, qui était exemplaire parce que elle démontrait que même dans un pays démocratique comme la Suisse, où on peut pas nier qu'il y ait une liberté d'expression quasi absolue, le respect du travail des journalistes et tout, mais dans le climat émotionnel des fonds juifs, il se trouve que un reportage que j'avais fait avait été condamné par l'autorité indépendante des plaintes, ce qui était quand même extrêmement surprenant puisque ce reportage n'était basé que sur des faits et des travaux d'historiens. Et dans la passion du moment, l'autorité indépendante des plaintes, qui, comme vous le savez, est chargée de recueillir les plaintes des téléspectateurs, auditeurs concernant le service public, eh bien, elle avait estimé que ce reportage, L'honneur perdu de la Suisse, contrevenait aux règles de la concession parce que, disait-elle, ce reportage est un film à thèse et donc il n'a pas été annoncé comme tel et donc il n'a pas permis aux téléspectateurs de se faire son idée indépendante sur ce qui était énoncé là. Et comme dans ce reportage, au fond, il y avait tous les grands thèmes... Il est tourné quand ce reportage, pardon de vous interrompre? Alors, il est diffusé en 1997, en mars 1997, presque au même moment où le président de la Confédération s'excuse publiquement pour le J dans le passeport et fait une autre annonce stupéfiante, celle d'une fondation de la solidarité dotée de 7 milliards, fondation qui, comme vous le savez, n'a jamais vu le jour, et qui était une extrême maladresse. Elle a court-circuité beaucoup des processus en cours aussi. Mais donc, pour en revenir à mon histoire, ce reportage, au fond, reprenait les reproches historiques qui étaient faits à la Suisse sur le refoulement des réfugiés, sur l'or, sur la collaboration économique et différents points. Donc, moi, ce que je disais à l'époque, c'est, alors, si c'est un film à thèse, d'accord, mais alors, quelles sont les autres thèses? Est-ce qu'il y a des historiens sérieux qui disent que la Banque nationale n'a pas recueilli l'or pillé par les nazis dans les pays occupés, et y compris aux victimes juives? Est-ce qu'il y a un historien sérieux qui dit que la politique de la Confédération pendant la Deuxième Guerre mondiale n'était pas le refoulement des Juifs en particulier? Tout ça n'était pas sérieux, puisque en fait c'était des faits établis et qui étaient au fond incontestés. Donc on ne peut attribuer la décision de l'autorité indépendante des plaintes, à mon avis, qu'à un réflexe émotionnel de défense nationaliste, si on veut, réflexe qui commençait un peu à se répandre en raison de la violence des attaques, de la formulation des attaques du Congrès juif mondial à l'époque, etc. Après ça, il a fallu un long combat, puisque nous avons fait recours au tribunal fédéral qui, je vous passe les détails juridiques, mais qui finalement, en deuxième instance, nous a confirmé la condamnation. Et à ce moment-là, donc, ce reportage était rangé dans un tiroir. Sous embargo. Et sous embargo juridique, selon la formulation qui a été faite à l'époque, et ne pouvait plus être diffusé. Il y avait là manifestement une censure. Bon, heureusement pour moi, il avait été diffusé deux fois sur nos ondes, une fois à la télévision suisse alémanique et également une fois sur Arte. Donc le message avait passé, si on veut. Et d'ailleurs, j'ai été lavé de tout soupçon. Vous faites bien de le repréciser au cas où. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. En 2006. Il y a porté l'appréciation que j'avais fait mon travail complètement correctement, donc qu'en aucun cas je n'avais trompé les téléspectateurs, ce qui a permis la rediffusion de ce reportage. La Suisse n'a pas été seulement ce petit pays héroïque et isolé qui aurait réussi à faire peur à la puissante Wehrmacht d'Hitler. Non, la Suisse a été bien autre chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une puissance industrielle et financière étroitement liée aux événements. L'image que nous avions de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale était un mythe. On a essayé, à mon avis, de cacher après la guerre, pendant trop longtemps, une partie de cette réalité complexe de la Suisse. Ce qui fait que de plus en plus, on a soigné un mythe au détriment de la confrontation avec toutes les composantes d'un passé, mais aussi d'un présent. Et on est devenu un peu incrédible. Guillaume Chenevière, ancien directeur de la télévision suisse romande. Au moment où cette émission se situe. Il y a quand même déjà eu énormément d'informations, il y a eu énormément de choses qui sont dans les journaux, il y a de l'inquiétude, il y a de l'intérêt. Ce qui est intéressant aussi quand on reprend les archives, c'est parce que cette émission se situe pas du tout hors contexte, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il y a eu toute une série d'émissions. Et notamment, quelques jours avant, 10 jours avant peut-être, il y avait une grande émission, une grande soirée autour du général Guizan, présentée par Gaston Nicole, qui était, où il y avait comme interlocuteur, il y avait Gauchy, l'auteur du livre sur Guizan, il y avait Georges-André Chevalat qui prend la défense de Pilegola, comme vous le savez, et puis un autre, je me souviens plus qui c'était. Et donc, c'était une soirée entière dans laquelle on a adopté un point de vue beaucoup moins arrêté, beaucoup moins tranché, et on annonce exactement le temps présent avec les sujets que va traiter Mona. Donc voilà, on prépare le public à recevoir quelque chose qui va être un petit peu difficile à avaler. Et puis alors, on fait l'émission qui effectivement est difficile à avaler, qui suscite toutes sortes de commentaires, et aussitôt après, on fait, quelques jours plus tard, 10 jours ou 3 semaines plus tard peut-être, enfin je ne sais pas, je n'ai pas la date exacte, on fait une soirée entière qui s'appelle la Suisse neutre ou pleutre, dans lequel alors on donne la parole à tout, y compris les gens qui étaient complètement bouleversés, parce que dans le documentaire L'affaire Maëly, on voit Blocher, et c'est pas toujours que je dis que Blocher a raison, mais il dit une chose très juste, il dit pour les gens qui ont fait la mob, pour les gens qui ont vécu la guerre, etc., c'est extrêmement difficile d'accepter qu'on leur dise, que, alors qu'ils ont l'impression que la Suisse entière était en quelque sorte un endroit de paix, de tranquillité, de liberté d'esprit. Les Suisses n'étaient pas du tout pro-nazis dans leur immense majorité, ça c'est absolument certain. Et donc, les gens ont de la peine à comprendre qu'en fait, alors après on a accusé Pilegola, mais en fait c'est pas Pilegola, c'est le gouvernement qui a dû manœuvrer, etc. Alors qu'on s'était si bien accommodé d'une espèce de légende. Et donc c'était pas facile à avaler pour les gens, mais je crois que, si vous voulez, pour dire les choses simplement, on a fait le job, quoi. On a dit les choses de telle manière qu'après les gens pouvaient pas dire c'est les étrangers qui parlent de nous en mal. On a compris qu'il y avait un vrai problème. Pendant l'entre-deux-guerres, les élites suisses avaient surtout peur du péril rouge, du communisme, des révoltes ouvrières. La démocratie parlementaire, avec ses lenteurs et ses compromissions, leur paraissait parfois dépassée. Ils tenaient à l'indépendance du pays. Mais il n'était pas totalement hostile aux idées politiques d'Hitler et de Mussolini. En Suisse, dans les années 30, certains excités proclamaient ouvertement leur admiration pour les méthodes musclées des tyrans allemands et italiens. L'historien Edgar Bonjour, aujourd'hui décédé, a le premier fait la lumière sur cette attitude ambiguë d'une partie de la droite suisse avant la guerre. En premier lieu, disons que certains aspects du mouvement néo-allemand ne déplaisaient pas à certains milieux suisses. Ils étaient convaincus que davantage d'autorité et de discipline ne nuiraient pas à la démocratie helvétique. En 1933, Hitler a pris le pouvoir et 6 ans après, il avait la plus puissante armée du monde. Il avait tout construit, des autoroutes, des écoles, etc. Je crois que la vie aurait été peut-être autrement. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société s'il n'y a pas l'ordre, l'obéissance et le respect de tout un chacun. Et c'est ce qui n'existe plus maintenant. Donc on lui avait donné une sorte de carte blanche, il avait un temps de travail où il n'avait rien d'autre à faire, il avait un budget assez important pour nous, et il devait faire ça, il devait faire une espèce de tableau général de la situation de la recherche historique suisse, hein, pour bien dire, ce n'est pas le Congrès juif mondial ou Eisenstadt ou D'Amato, c'est ce que disent les historiens suisses. Voilà. Le rôle d'une télévision de service public était évidemment de faire son travail, et c'est ce que Mona a fait. Qui ont traité des thèmes aussi différents que le pillage des œuvres d'art et la Suisse comme plaque tournante de ce pillage. J'ai fait un temps présent sur Christophe Maëly, qui s'appelait Christophe Maëly, traître et héros. J'en ai fait un autre qui était un reportage en Biélorussie auprès de ceux qui pouvaient être les bénéficiaires des différentes initiatives prises à l'époque pour apporter un réconfort à ces gens sous forme d'argent, parce que c'était des gens qui étaient dans un dénuement total. Et je dois vous dire que des différents reportages que j'ai faits, celui-là m'a profondément remué parce que c'est une misère tellement énorme par rapport à ce qu'on vit en Suisse. Et c'est une double condamnation puisque ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus ils terminaient leur vie dans une misère noire. Et j'avais suivi une organisation humanitaire baloise qui apporte son aide à ces juifs de Biélorussie et le contact émotionnel que vous aviez avec ces gens était tellement bouleversant que j'en suis encore bouleversé maintenant, je m'en excuse, mais et il y avait une chose extraordinaire, c'est que quand vous approchiez ces gens, et en particulier une de ces femmes admirables qui avait vécu toutes ces horreurs, au bout d'un moment, vous les prenez dans vos bras. Et c'est un réflexe, et j'étais un peu gêné d'avoir fait ça, parce que je me disais, mais enfin... mon accompagnatrice juive m'a dit, mais ne t'en fais pas, tout le monde fait ça, quoi. Tout le monde fait ça, c'est une sorte de réflexe, c'est une sorte de manière de dire à ces gens... Moi, je suis un être humain, vous avez vécu des choses tellement inhumaines, je vous prends dans mes bras pour vous dire que, oui, l'humanité existe quand même. Elle existe, c'est pas... Il y a des monstres qui vous ont fait ça, mais il y a des êtres humains qui sont là pour tenter de vous réconforter et de vous montrer qu'il y a un amour quand même. Guillaume Chenevière, Daniel Menal nous l'a dit, il a réalisé 6 documentaires sur le sujet. C'est quand même assez exceptionnel dans la carrière d'un journaliste, mais j'ai envie de regarder avec vous du côté de la télévision suisse romande. C'est également exceptionnel pour une télévision, c'est encore plus exceptionnel sans doute pour une télévision de service public que de choisir de se concentrer à ce point sur un sujet, mais évidemment aussi important pour une société. Qu'est-ce que ça dit de la télévision publique de l'époque ? Je crois que ça dit, là, j'espère que c'est pas de l'époque, j'espère que c'est d'aujourd'hui encore. Je crois que pour moi, le rôle central de la télévision de service public, c'est d'apporter aux gens l'information dont ils ont besoin pour pouvoir se situer dans le monde qui les entoure. Cette tâche est de plus en plus difficile aujourd'hui, parce que le monde est de plus en plus difficile à déchiffrer. Mais dans une démocratie, si on veut garder une démocratie semi-directe, si les gens doivent pouvoir se prononcer sur tous les sujets comme c'est le cas aujourd'hui, il faut absolument qu'ils aient une source d'informations sûres et qui les trahissent pas, qui fassent les choses et qui disent les choses au moment où il faut les dire. Donc pour moi c'est la justification même du service public. Mais tout de même, et je vais aller encore plus loin, l'embargo juridique frappe les premiers travaux de Mona. La télévision suisse romande choisit de continuer de faire confiance à son journaliste, de lui donner l'occasion de poursuivre avec d'autres propositions. Cette responsabilité-là, ce choix-là, c'est vous individuellement, Guillaume Chenevière, avec vos collaborateurs qu'il prenait. Comment ça s'est fait, ça? C'est Mota, le directeur de l'information, qui a continué à faire confiance à Mota. Il n'y avait du reste aucune raison de ne pas le faire. Nous avons été jusqu'au bout. On a été jusqu'au tribunal fédéral. Alors, la question, c'est est-ce qu'on aurait dû accompagner Mona lorsqu'il va à la Cour européenne des droits de l'homme? Il se trouve que la décision a été prise à un moment où moi j'étais en train de partir, donc j'ai même pas l'impression que j'ai été véritablement consulté sur cette affaire, mais je comprends un tout petit peu sur un sujet concernant l'image même du pays, l'identité du pays, pour la SSR qui est d'aller dire le tribunal fédéral, nous allons au-delà et on s'adresse à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était politiquement un petit peu difficile. Par contre, vous avez vu que tout récemment, dans une autre affaire qui concerne temps présent, la SSR est allée à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque là, il s'agissait de définir les conditions même de l'exercice du métier de journaliste. C'était pas du tout la même chose. La condamnation de Mona, c'est même pas tellement de Mona, c'est de la SSR, elle porte uniquement sur le fait que le chapeau de Béatrice Barthelon, la présentation, qu'on ne retrouve pas dans les archives du reste, elle aurait dû, dit l'autorité indépendante de plainte, dire c'est un film à thèse, voilà. C'est pas la vérité, mais c'est un point de vue sur les faits. C'est ça qu'elle nous a reproché. Moi, ce qui m'a frappé, du reste, en retrouvant des gens qui ont participé à l'autorité, qui étaient membres de l'autorité indépendante de plainte à l'époque, c'est que 20 ans plus tard, ils n'ont pas changé d'avis. Et ils pensent qu'ils ont eu raison. Et moi, en regardant l'émission, que je n'avais pas regardée depuis 20 ans, je l'ai re-regardée en entier, j'ai pas eu un sentiment différent. Je m'étais dit, bon, il y va un peu trop, peut-être par moment, il est très tranché, hein, la recherche historique, hein, nous savons que l'histoire n'est pas une science, hein, la recherche historique, on ne peut pas tout d'un coup dire, maintenant, ça y est, on a toute la vérité, etc. Peut-être qu'on le dit un peu trop fort. Mais sur le moment, et encore maintenant, je me dis, oui, mais c'était quand même la bonne façon, parce qu'il fallait dire les choses très fort pour qu'on les entende vraiment. Alors, il faudrait également peut-être regarder du côté du politique, puisque là, il y a des étages qu'on connaît mal. Est-ce que vous, en tant que responsable d'un service public de télévision, à un moment, le téléphone sonne, c'est un politique, et on vous dit « faites donc gaffe à ce que vous diffusez sur nos écrans ». Jamais. Moi, je dois vous dire, pendant tout le temps que j'ai été dans les échelons supérieurs, si je puis dire, de la télévision, jamais il n'y a eu de pression politique de quelque manière que ce soit. Ça vous a surpris, ça ? Non, parce que j'ai eu confiance dans... Je pense que c'est une maison vraiment indépendante, et elle l'était vraiment très fortement. C'est à Marcel Besançon que l'on doit ça. Hein. C'est lui qui, après la guerre, lui, il était un homme d'une autre génération, mais, chose assez drôle, il n'acceptait pas de voir le Conseil fédéral. Il ne voulait pas que le Conseil fédéral vienne chez lui. Lui, il ne voulait pas y aller non plus. Et il y a eu parfois des rencontres qui avaient lieu dans son domicile privé. Et puis, en plus, il ne parlait que français. Et il n'allait jamais en Suisse allemande. Il déléguait Dominique Karl. Et enfin, il avait réussi, au fond, à se créer une espèce de position comme ça, de commandeur. Hein. Et alors, ça a été formidable parce que, ça, du coup, on a été d'une indépendance extraordinaire. Puis, c'est resté après lui. Hein. Guillaume Chenevier, vous avez trois petites fiches sous vos yeux. On aimerait bien en savoir le contenu. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces fiches? Non, je veux pas. Il y a les dates d'abord, je me suis simplement fait attention d'avoir toutes les dates en tête pour y voir bien clair comment les choses s'étaient passées, le temps que ça a mis et tout ça. Et puis je m'étais dit, il y a au fond trois aspects. Il y a l'aspect de l'histoire, hein, d'abord cette question-là, il n'y a pas de vérité historique absolue. C'est intéressant de voir que dans l'émission de Mona, Jost dit... On peut dire à peu près sûrement que la collaboration suisse au niveau industriel, au niveau bancaire, a prolongé la guerre, a aidé les nazis à continuer plus longtemps que ça n'aurait été le cas sans cette aide, alors que la commission Bergier dira le contraire, et dans le film sur l'affaire Maïli, Jacob Tanner dit non, définitivement, c'était trop peu pour avoir eu un effet aussi catégorique. Donc voilà, la question du nombre des refoulés, juifs refoulés à nos frontières, n'est pas tranchée, et il y a des chiffres extraordinairement variables aussi. On est plutôt à la tendance maintenant à des chiffres moindres que ceux qu'a retenu la commission Bergier. Donc voilà, on peut jamais dire que les choses sont définitives. Et ça, peut-être cette chose-là, il faut que les gens se rendent compte. On peut pas approcher l'histoire comme on approche, vous me direz, même le climat, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais disons, le climat quand même, on a des vérités scientifiques qui apparaissent. Tandis que sur l'histoire, c'est toujours malléable et compliqué. Et c'est vrai qu'on ne met pas en valeur dans l'émission, mais c'était pas notre rôle à ce moment-là. Le fait que, avec des compromissions, la Suisse a conservé pendant la guerre un espace de liberté qui était vraiment extraordinaire. Mon père me racontait toujours une histoire qui était assez amusante. Il était allé à Leipzig, je sais pas si c'est en 41 ou 42, à la foire de Leipzig. Il avait été comme journaliste, mon père était journaliste. Et alors, il avait été voir un homme d'affaires, parce que mon grand-père avait investi en Allemagne, non, ça n'a pas été un investissement très heureux. Et donc, il était allé voir cet homme d'affaires pour se renseigner, comme ça. Bon, alors, ils ont bavardé un petit moment. Et au moment où ils sortent du bureau, il y avait juste les secrétaires, tout d'un coup, le type se met à hurler, et à la surprise complète de mon père, il lui dit « Oui, mais vous savez, vous les Suisses, c'est vraiment ignoble, c'est absolument scandaleux, vous êtes un pays germanophone, et vous n'êtes pas dans l'Empire allemand, c'est un scandale total, etc. » Et puis mon père sort, et il comprend que c'était pour que les secrétaires entendent ça. Et ben... Donc voilà, donc la Suisse avait été quand même un espace de liberté, qu'on a payé plus cher que ce qu'on l'a bien voulu dire en 45. Mais évidemment, c'était pas le moment de le dire, puisqu'il y avait tout ce problème. Enfin, voilà. Bon, la Suisse a joué son rôle. C'est un rôle qui a été aussi positif à certains égards. Enfin, Alan Dulles ne vous dira pas que la Suisse n'était pas utile. Donc, c'est un chef de la CIA, pour ceux qui auraient la mémoire un peu courte. Donc voilà, c'est vrai. Mais il fallait comprendre que non, il n'y a pas d'image du chevalier blanc. Et puis voilà, ça c'était un mensonge. Voilà. Notre épisode était intitulé « Jugement », une réalisation de Jean-Philippe Zwarlen. Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Esprit de synthèse ».